c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La Marche des Sciences, émission spéciale Grand Portrait, dédiée aujourd'hui à une paléontologue en quête de fossiles. Brigitte, je l'avais appelée Brigitte d'Arc. Alors pourquoi Brigitte d'Arc ? Parce que Brigitte est un petit peu Jeanne d'Arc, en ce sens qu'elle s'élève d'un point de vue tout à fait éthique et déontologique contre l'abus parfois de certains collègues que je ne citerai pas. Quelquefois, ils défendent honnêtement leurs découvertes, d'autres fois, peut-être avec un petit peu plus de triche qu'il n'en faudrait. Et à chaque fois, Brigitte s'est élevée avec courage et dignité. Combative, tenace et infatigable, selon le professeur Yves Coppens, ce sont les traits de caractère qui ressortent de la personnalité de celle que l'on appelle souvent la dame aux fossiles. Elle en a la fièvre en tout cas, et sa passion, née de l'enfance, lui a donné de parcourir le monde à la recherche de ces trésors qui sont une des clés de nos origines. Encore fallait-il savoir les faire parler, et ne pas craindre les foudres d'une communauté scientifique pas toujours tendre avec ceux qui soufflent contre le vent. À cause de cette terre qu'elle aime observer, caresser, fouiller, elle se voulait géologue et femme de terrain, mais c'est la paléontologie qui l'a le mieux comprise et lui a tendu la main. Brigitte Senu est une scientifique à l'esprit curieux et indépendant, internationalement reconnue et dont le rêve était de travailler en Afrique pour mieux comprendre nos origines et celles des grands singes. Elle a voué sa vie à cette recherche, dans des conditions parfois difficiles, en Ouganda, en Angola, en Namibie ou encore au Kenya, où en 2000, avec Martin Pickford et son équipe, elle a découvert Aurorine, un ancêtre âgé de 6 millions d'années qui a mis le feu aux poudres. Car elle n'est pas femme à se soumettre aux idées dominantes et sa liberté de penser lui a valu quelques critiques acerbes, mais le temps lui a souvent donné raison. Et dans cette passion qui l'anime, elle voue aussi une partie de son temps à transmettre le flambeau aux jeunes générations, tout particulièrement aux populations locales naturellement désignées comme les gardiens du temple, les scientifiques de demain. Brigitte Senu est notre invitée dans cette marche des sciences spéciale Grand Portrait. Une plongée dans sa vie, son œuvre, et puis pourquoi pas apprendre avec elle à faire parler les fossiles pour y découvrir les environnements et les conditions de vie des lignées pré-humaines. Une émission émaillée d'archives sonores de l'INA, dénichée par Anaï Morales et Sophie Gillery, et illustrée des reportages réalisés par Catherine Decopé auprès de proches de notre invitée. Catherine présente avec nous Brigitte Senu, la fièvre des fossiles. Je vais vous raconter une histoire drôle et qui caractérise bien Brigitte et en même temps le travail de la paléontologie. Elle se trouvait à une certaine époque en Afrique du Sud et elle voulait communiquer avec moi. Et il se trouve qu'il n'y avait pas à ce moment-là les courriers électroniques et autres. Donc elle avait communiqué par fax et était arrivée à la direction du Collège de France un fax qui disait « C'est épouvantable, il y a plus de diamants que de fossiles ». Ça a marqué beaucoup le collège au moment où elle avait envoyé ce message. Bonjour Brigitte Senu. Bonjour. Là, ça vous fait rire effectivement. La fièvre des fossiles, alors une maladie au mépris des diamants, c'est ça ? Oui, ben mon diamant, c'est le fossile. Voilà, c'est tout simple en fait. Et j'ai eu la chance de travailler dans les mines de diamants depuis très longtemps en Namibie, avec la CDM et puis plus récemment la Namdeb. Et j'ai été invitée en Afrique du Sud sur une grande mine des Namaqualand Mine, parce que notre travail de paléontologue que je fais avec l'équipe, c'est d'essayer de dater les dépôts secondaires des diamants. C'est-à-dire qu'une fois que le diamant a été mis dans la kimberlite, il est lessivé dans les rivières, et auprès de ces rivières, dans ces rivières, vivent des animaux. Donc nous étudions les animaux, l'évolution des animaux, pour les dater et dater les dépôts de ces diamants. Et en Namibie, on est arrivé, par nos travaux, à étendre la vie d'une mine de près de 8 ans, ce qui est énorme dans un milieu économique. Et en Afrique du Sud, on nous avait demandé de venir voir ce qu'on pouvait faire. Seulement, le problème de l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est extrêmement développé, et dans les mines de diamants, tout passait au crasheur. Donc, je récupérais les fossiles, nous récupérions les fossiles, les tas de grains de sable et autres. Oui. Alors, identifier une espèce d'animal là-dessus, c'était un peu compliqué. Et finalement, nous avons eu la chance de trouver en Afrique du Sud, tout près de ces grandes mines, une mine qui s'ouvrait. Et parce que personne n'en voulait, parce que c'était une toute petite concession, pas très intéressante. Et finalement, c'est là, on est avec le géologue, on a commencé à regarder. Et dans un niveau de 30 cm d'épaisseur, qui était pétri de diamants et de fossiles, j'ai eu la chance de trouver la première dent. Là, c'était un grand moment d'un grand singe fossile, le premier d'Afrique du Sud de 18 millions d'années. Donc c'était un cadeau pour moi. Et du coup, notre travail peut aider aussi quand on a des fossiles bien constitués. Voilà. En tout cas, Brigitte Senu, donc cette passion pour la Terre, vous l'avez depuis l'enfance. Hein, et pourtant, vous êtes née à Paris, mais vous passiez vos vacances en Corrèze. Ah, pas toutes. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, bien sûr. Mmh. Et j'avais surtout des parents qui voulaient absolument que je voyage, que je rencontre des choses. Et on allait souvent en vacances en Autriche, parce que je faisais de l'allemand. Donc, il fallait absolument que j'améliore mon allemand. Donc, tout était fait autour de ça. Et du coup, toutes les grandes montagnes, le Dachstein, les Dolomites, tout ça. Enfin, c'est des choses qui ont marqué mon enfance. La Corrèze, j'y suis retournée pour la géole avec le professeur Pomerol de Jussieu. Mmh. Et c'est des choses qui sont... La Terre, elle vit finalement. Les roches, elles vivent, elles croissent, elles se détruisent, elles évoluent. Et ça, c'est quelque chose de magique. Et donc, cette enfance bercée par ces cailloux, ces roches que vous ramassiez, et puis assez rapidement, les découvertes de Camille Rambourg, c'est ça, ou Yves Coppens, qui ont commencé à bercer un petit peu votre vie, vous inspirer? L'homo, c'était quelque chose de... Ça, on entendait parler de ça dans les journaux, c'était le début de la médiatisation, dans les années 67, 68, la découverte du premier Australopithèque à l'homo avec Rambourg et Coppens, c'était quand même quelque chose. Et puis voilà, c'était... Donc j'étais intéressée par ça. Des hommes de terrain, là aussi, il faut le préciser. Ah oui, c'est deux personnes de terrain. Et ça, c'est incontournable dans notre domaine. Mmh. Le terrain, c'est là. Vous savez, on peut toujours se tromper en étudiant un matériel. Mais le terrain ne vous ment jamais. Vous pouvez mal le lire. Mais lui ne vous mentira jamais. Parce que vous n'avez qu'à vous servir et regarder. Et c'est donc là où il y a ce contact, qui, je dirais presque passionnel quelquefois. Mais c'est important. C'est important. Et tout réside, Brigitte Senu, dans la lecture aussi. On va en parler dans l'émission, dans la lecture de cette terre, justement. Des rêves, vous l'écrivez, le chercheur doit être un rêveur. Et finalement, vous, ces rêves, vous avez pu les réaliser grâce à des mentors qui vous ont mis aussi sur la voie. Je me tourne vers Catherine Decopé, puisqu'elle a cherché justement à en rencontrer certains. Oui, bonjour. Alors, parmi les mentors les plus importants pour votre carrière et les plus connus, il y a Yves Coppens, on en parle depuis le début de l'émission. Il est vraiment incontournable. Il a été très disponible et heureux de pouvoir parler de vous. Il m'a reçu dans son bureau du Collège de France et je l'ai interrogé notamment sur votre première rencontre, cette période où vous étiez encore étudiante. Alors on va l'écouter tout de suite. J'ai rencontré une jeune femme, ça peut-être dans la fin des années 70, qui m'a dit, avec des yeux qui crépitaient, qui m'a dit son intérêt pour la paléontologie et son idée, son envie, vraiment plus que ça même, de partir sur le terrain. Moi, je suis parti sur le terrain en 1960, donc ça faisait au moins bien une quinzaine d'années que je travaillais en Afrique. Et elle est venue me voir pour avoir un sujet de thèse de troisième cycle. Donc ça devait être en 75 ou 76, puisque assez vite après Lucie. Puisque je lui ai offert généreusement l'humérus, qui est un des os du membre supérieur. Et je pensais qu'il était intéressant de tenter une division du squelette en morceaux pour non pas isoler les chercheurs les uns des autres, mais leur donner une grande spécialité au point qu'ils seraient capables de lire désormais, enfin je prends l'exemple de Brigitte, n'importe quel humérus, n'importe quel bout de la Terre, ce qui en effet est advenu. Et Brigitte a fait avec brio, sa thèse de troisième cycle, et pour la thèse d'État, j'ai élargi l'humérus au reste du membre supérieur, ce qui l'a rendue plus à l'aise, parce qu'elle était un petit peu critiquée, mais elle s'en fichait. Elle était un petit peu critiquée par le milieu des anthropologues qui disaient que c'était la femme d'un os, et d'un seul os. Et en fait, Le fait de connaître cet os et puis de connaître ce qui lui était articulé, elle a compris le membre supérieur, elle a annoncé que Lucie grimpait, ce qui était tout nouveau. C'était si nouveau d'ailleurs que ça n'avait pas été suivi du tout par nos collègues américains, et qu'elle est entrée en quelque sorte dans la carrière avec un coup d'éclat. Alors Brigitte Senu, Yves Coppens, donc un vrai mentor, il y avait Charles Pomerol aussi pour la géologie, oui. Mais effectivement des personnes qui vous ouvrent la voie. Oui, Coppens, ça a été quelque chose d'assez particulier. Monsieur Pomerol, c'était à l'université, c'était mon professeur de géologie, je l'ai eu plusieurs années de suite. C'est quelqu'un qui avait une connaissance mais extraordinaire de plein de choses, mais surtout c'était un pédagogue. Il avait fait tous les stades de l'éducation nationale. Il avait été instituteur, professeur de, alors à l'époque au secondaire, je ne sais plus comment on disait exactement, puis professeur d'université. Il avait une réelle don pour la pédagogie. Et puis les missions de terrain avec lui, c'était super. Enfin vraiment, je me suis fait beaucoup plaisir avec lui. Et monsieur Coppens, Steve Coppens, c'est arrivé un petit peu après, évidemment. C'était en 75, en fait, quand j'ai fait mon DEA, 75-76, où il avait fait une conférence à l'université pour les étudiants. Et il avait parlé comme tous les gens à l'époque. Je veux dire, c'était terrible. Il parlait du crâne, machin, le squelette et bipède, machin. Et puis, j'ai un moment, je suis allée voir à la fin, j'ai dit, ils n'ont pas de membres, ces gens, ça ne vous en parlez jamais. Et il m'a dit, ça vous intéresse? Eh bien, écoutez, venez me voir. Et je suis allée le voir au Musée de l'Homme, c'était un grand moment. Mais c'était vraiment, je n'oublierai jamais. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Parce que c'est quelqu'un qui, au-delà de la science, est aussi quelqu'un d'élégant dans la vie. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui savent combiner les deux. Alors, je lui dois beaucoup au niveau carrière professionnelle. Il m'a beaucoup soutenue, même dans les moments difficiles. Il y en a eu quelques-uns dans ma vie, il a toujours été là. Et il a compris votre besoin de terrain, parce qu'avant lui, je crois que vous aviez rencontré d'autres professeurs qui pouvaient très bien vous mettre dans un bureau. Oui, absolument. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la géologie, enfin pure et dure, j'allais dire, puisque quand je faisais mon certificat de géologie appliquée, moi je voulais faire de la mine, j'adorais ça. Reconstituer des cartes de gisements, je trouvais ça ça marchait très très bien. Là j'ai rencontré beaucoup de misogynes, mais fortement misogynes. On me disait, qu'est-ce que vous foutez là? Excusez-moi, c'était in the text. On vous excuse. Et vous ôtez le pain de la bouche à ces messieurs. Vous devriez être chez vous à torcher vos gosses. Parce qu'on m'a dit une fois à la suite d'une séance de TP un soir à 11h. J'étais très contente. C'était en quelle année? J'ai répondu du tac au tac à l'assistant en question. Je dis, bah, écoutez, j'ai pas de gosses à torcher. Ça me plaît, je reste. C'était un peu osé, mais bon, ceci étant, voilà. Non, c'était des moments difficiles. Et Coppens, ça a été un de ces rares scientifiques qui a accepté d'envoyer des femmes sur le terrain. Et c'est avec lui que je l'ai connu. Parce qu'il m'avait fait inviter au congrès de panafricains de préhistoire à Nairobi en 77, à l'automne 77, et je venais y travailler pour du matériel de ma thèse. Et on a été faire la visite des visites dans le congrès, et on s'était sur le rift. Et on était descendu de l'autocar, et il m'a dit, alors, je dis, oh, mais si ça pouvait bouger, c'était génial, on voyait tous les bouleversements de la Terre, c'était extraordinaire. Parce que là, il faut rappeler quand même aussi pour nos auditeurs que Yves Coppens, c'est à lui que l'on doit la théorie de l'East Side Story, c'est-à-dire il y a 7 millions d'années, une population de grands singes aurait été divisée par la formation de la Grande Vallée du Rift. Oui, exact. Et donc, il vous a emmené là-bas, et avec votre amour c'était un grand moment. Et puis vous aviez effectivement aussi cette double formation de géologue et de paléontologue qui vous plaçait de belle manière aussi dans cette discipline. Je vous propose d'écouter la voix d'un autre homme qui n'est pas comme les autres, mais qui compte, je sais, aussi dans votre parcours. Je ne vous dis pas son nom, il était invité du Salon Noir de Vincent Charpentier le 5 mars 2001. Il y a deux grands groupes de gisements fossilifères en Ouganda. Dans l'ouest, il y a le Rift. Et là, on a trouvé énormément de mammifères, des poissons, des escargots, les choses comme ça, mais pas de bonhomme. Pas d'un homo dit erectus d'un million et demi d'années. Mais par contre, dans l'est du pays, il y a les volcans du Miocène inférieur à peu près 20 millions d'années qui ont livré des hominoïdes. Et là, on a récemment décrit un nouveau genre qui s'appelle Ugandapithecus. Et l'espèce était bien connue déjà du Kenya, mais on a trouvé les pièces qui a montré qu'effectivement c'était un nouveau genre. Donc on a baptisé l'Ugandapithèque. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alors, Brigitte Senu, éclairez-nous, éclairez les auditeurs. Oui, alors bien sûr, c'est Martin Pickford, qu'un certain nombre d'auteurs ont peut-être reconnu. Alors Martin, c'est une grande histoire, parce que ça a commencé, j'ai dit au moment de ma thèse. Parce qu'il travaillait sur des gisements, desquels provenaient des fossiles que j'étudiais. Et j'ai dit à Coppens, moi ça m'ennuie parce que j'ai pas de données claires sur la stratigraphie de ces gisements, je les connais pas, où est-ce que je peux trouver ça? Il me dit, écrivez à Pickford. Et c'est comme ça que j'ai écrit à Martin et qu'on est resté en relation épistolaire scientifique pendant très très très longtemps. Et puis je l'ai rencontré un jour par hasard au Kenya en 83. On s'est retrouvé comme ça au Kenya. Et puis il est devenu votre compagnon de vie aussi. Voilà. Ça fait partie des aléas de la vie et des plaisirs et du bonheur de la vie. Et un compagnon avec lequel vous partez sur tous les terrains, vous faites des recherches formidables. On va en parler dans cette émission bien sûr. En tout cas, donc il est anglophone et swahilophone, ce sera important à préciser. Vous avez un flair à tous les deux surtout, parce que tout à l'heure on parlait de cette terre, de la façon de la regarder et qu'elle nous donne tout à condition de bien la percevoir et de bien la comprendre. Chaque chercheur construit finalement ses références, son dictionnaire. Oui, absolument. Et je pense que plus on fait de terrain, plus on intègre dans notre cerveau des formes, des couleurs, des aspects. Et ce qui fait que quand je suis dans le désert, dans des dunes fossiles, quand on prospecte une dune fossile, on ne la prospecte pas de la même manière qu'une argile du rift, par exemple, ou un niveau de grès. On est tout de suite attiré par des différences de brillance liées au soleil sur le sable. Ça peut être aussi une forme un peu bizarre. On ne sait pas ce que c'est, mais tout ce qu'on ne connaît pas, ce que je ne connais pas, je ramasse a priori, parce que ça peut être utile pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une prospection limitée sur un groupe d'animaux, tout simplement parce que l'évolution, c'est un tout. Vous pouvez comprendre l'évolution d'un milieu si vous prenez en compte ce qu'il y a dans ce milieu, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux et des roches. Quelquefois, les roches nous apprennent énormément de choses aussi sur les environnements, bien évidemment. Mais oui, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est important de comprendre comment l'homme, déjà même, alors, se déplaçait dans son milieu, comprendre le milieu. Il y a les ossements, oui. Mais il y a le milieu. Et tout ça, c'est ce tout. Et vous n'aviez pas envie d'en rester à, comme vous l'évoquiez à l'instant avec Yves Coppens dans ses conférences où il ne parlait que du crâne, par exemple. C'est non, il fallait pas en rester aux travaux sur les seuls restes crânio-dentaires. C'est une évidence. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui, je trouve, dans nos disciplines, parce que les collègues, les jeunes, ont tendance à aller sur de la reconstitution, c'est quelque chose d'extrêmement sur un os. Mais l'os, il appartient à un ensemble osseux qu'on peut habiller de muscles, qui va bouger, et il ne bouge pas n'importe où, n'importe comment, et de la même manière. Quand j'ai trouvé ma conclusion de thèse, c'était que Lucie grimpait aux arbres, ça allait à l'encontre de tout ce qu'on pouvait raconter sur les environnements. S'il n'y avait pas d'arbres, on était mal. Et puis finalement, il a fallu qu'une équipe américaine, 4 ans après, trouve les mêmes résultats. Et petit à petit, c'est devenu une idée américaine. Bon, ça fait plaisir quelque part. Mais quand même, de temps en temps, rendre à César ce qui lui appartient, ça fait pas de mal. Et ça, ça vous est arrivé plus d'une fois de devoir subir un petit peu on peut dire des jalousies aussi dans le monde, ou d'être avant-gardiste et puis de pas pouvoir montrer ou faire entendre. Je ne sais pas si c'est de l'avant-gardisme. Je pense que c'est de la logique avec les données que j'ai. Oui. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes données. Chacun a ses perceptions de l'intérêt de ces données. Et quand on les remet quand on les rassemble avec d'autres données, on peut arriver à d'autres scénarios. Ma chance, c'est d'avoir eu quelque chose qui n'avait pas été beaucoup étudié. Et ce qui fait que je me suis sentie très libre, en fait. Mais quand je parle d'avant-gardisme, c'est par exemple quand vous avez avancé l'idée selon laquelle le chimpanzé n'était pas un animal primitif, mais un animal dérivé, issu de l'évolution. Et 30 ans plus tard... Je me suis fait taper sur les doigts pour ça. 30 ans plus tard, article dans Science, et sans votre nom, à nouveau. Donc, mais ça, c'est pas un problème, ça fait partie des machisme habituel. Et ça, l'important, c'est que l'idée, elle passe et qu'elle fasse son chemin. Oui. Voilà. En tout cas... Brigitte Senu, c'est vrai que quand on vous sent à l'œuvre, quand on le perçoit, soit dans votre livre, hein, Et le singe se mit debout, un livre paru chez Albin Michel, soit dans les films aussi, on se demande, mais comment est-ce qu'on repère les zones riches en fossiles? On ne part pas comme ça à l'aveugle non plus. Et l'intuition féminine? Ah, peut-être. Non, pas du tout. Non, quand on parle. D'abord, je peux parler d'une chose très claire, c'est quand on a monté la mission en Ouganda, on avait déjà des archives qui dataient des années 40, 50, 20. Et on a passé une année à Paris. Moi, j'ai passé une partie de mon temps à l'école des mines pour essayer de retrouver des cartes, des vieilles cartes de région. On a fait une sorte d'inventaire de tout ce qu'on connaissait au niveau fossile de ces régions-là. Ensuite, à NTB, j'ai passé une semaine avec Martin, avant que la première mission, on était invités tous les deux par le gouvernement ougandais. Et pendant une semaine, on a dépouillé tous les rapports non publiés des géologues ougandais ou autres qui avaient travaillé en rapport avec le service géologique. Et tous les rapports dans lesquels était signalé un fossile, que ce soit un escargot, que ce soit une plante, que ce soit autre chose, on les a répertoriés. Puis après, on a fait une sorte de catalogue. Voilà, cette région, elle est plus riche, celle-là, elle est un peu moins riche. Et on est allé, on a prospecté comme ça, on a tourné. Et puis finalement, on continue aujourd'hui. On fête là en juin le 30e anniversaire de la mission Ouganda. C'est un grand plaisir et une grande joie. Et j'espère qu'on a formé un certain nombre de personnes et le relais sera pris petit à petit. C'est ça qu'il faut se dire. Eh bien justement, c'est le moment de s'intéresser à votre méthode. S'il y a une méthode, Brigitte Senu, Catherine de Copé, est-ce que vous avez percé le mystère? Oui, vous parlez de passage de relais. Donc pour évoquer de plus près votre façon de travailler, je suis allée voir l'un de vos anciens étudiants qui a pris son métier à vos côtés. Il s'agit de Dominique Gomery. Il est aujourd'hui directeur de recherche au CNRS. Il raconte notamment que s'il ne vous avait pas rencontré, il aurait sûrement orienté son travail différemment vers d'autres sujets que les hominidés. Et Dominique Gomery a la chance de partir très régulièrement avec vous sur le terrain. Donc pour moi, il était un invité de choix. Et je lui ai demandé de caractériser votre approche scientifique plus précisément. On l'écoute tout de suite. Déjà, c'est une mission qui n'est jamais purement française. C'est toujours une mission avec d'autres personnes. Là, on est vraiment dans de la coopération. C'est-à-dire que c'est une mission où il va y avoir des échanges. Et c'est important. Les échanges entre chercheurs et non-chercheurs aussi, hein. Voir aussi avec les populations locales, toujours pareil, hein, parce que il est important que les populations s'approprient du patrimoine. Et Brigitte a toujours eu des attentions dans ce domaine, vraiment faire attention à tout le monde, à écouter tous, hein. Déjà c'est important. Au niveau de la gestion du campement, c'est que tout le monde trouve un coin tranquille. On est toujours les uns sur les autres, sur le terrain, pour manger. Mais il y a toujours une petite attention pour que les gens aient un petit endroit pour dormir, un endroit calme. Toujours quelque chose aussi pour l'après-terrain. Une petite bouteille de soda ou un petit chocolat, quelque chose pour vraiment... Ça, c'est la vie courante. Sur le terrain... Il n'y a pas de distinction avec Brigitte. Hein. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde doit trouver. Personne n'est là à attendre que les autres ramassent. C'est que tout le monde doit chercher, participer à la découverte. Et ça, c'est important. Parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et puis, de faire profiter les autres. Dire, tiens, voilà, regardez, t'es passé à côté de ça, regarde. Parce que c'est formé aussi. Et ça, c'est important. Kila siku nitafaudi, naweka mawe moja, mawe mbili, mbawe tatu, na bada itaenda pole pole. Et c'est vous que l'on entend, Brigitte Senu, parce que vous parlez Swahili, hein, également. Là, c'est un extrait. Je parle très mal. Je l'ai appris avec les cuisiniers. Alors, ça, c'est pas la langue de. Quand je vais entendre Zani, c'est extrêmement délicat parce qu'il parle un Swahili extrêmement littéraire, très beau, très. Et quand ils m'entendent parler de l'épaule, ils doivent penser que c'est... Mais je l'ai appris sur le tas. Et vous êtes au contact de cette population, c'est important. Et là, on entend, donc c'est un extrait d'un film qui a été réalisé sur vous, qui s'appelle Brigitte Senu, la dame aux fossiles, un film de Philippe Heim, coproduction Adalios et Galactica, et donc dans cette collection qui s'appelle À Contre-temps. Très joli film où on vous voit vraiment dans votre méthode à vous, hein, méthode Brigitte Senu. Donc parlez-nous un petit peu de tout ça, ce travail en équipe, la technique de fouille aussi. Donc comment Je ne sais pas s'il y a une technique. Je pense qu'il y a surtout un grand respect des gens. Je pense que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas vivre en société si on n'a pas le respect de l'autre. Or, on travaille, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai essayé d'apprendre les langues dans les pays où je travaille, ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est aussi un respect des gens de pouvoir au moins les saluer dans leur propre langue, échanger. Alors, quelquefois, plus ou moins des degrés plus ou moins compliqués, mais ceci étant, ça me paraît déjà important, c'est le respect de l'individu. Et puis après, l'équipe, ça devient une sorte de grande famille, quelque part. Et je trouve que... Alors effectivement, je ne suis pas toujours de très bonne humeur. Ça arrive avec Dominique, quelquefois, en disant que là, mais ceci étant, on sait que ça ne dure pas. Et puis, c'est surtout des... Dominique, c'est un pilier de l'expédition, dans la mesure où je peux vraiment me reposer. C'est quelqu'un de clair, net et précis. Il n'y a pas d'entourloupe. Et je crois que c'est ça qui fait aussi une des forces de l'expédition. C'est qu'on on est tous des rompus d'Afrique. On s'est tous vus dans des conditions difficiles. On a tous donné, Dominique à Madagascar, d'autres dans d'autres pays. On a tous donné à un moment ou à un autre. Donc on sait jusqu'où on peut aller trop loin. Voilà. Et puis alors, l'histoire des campements, c'est clair que au début, moi, les missions, on le faisait, on avait deux tentes. Moi, ça m'est arrivé de coucher avec 8 ouvriers dans la tente de 5 personnes. Je peux vous dire, c'est pas drôle quand il y en a un qui ronfle, l'autre qui ronfle, le troisième. Passer des nuits debout, c'est épouvantable. En restant combien de temps sur le terrain en général? Deux mois, 3 mois à l'époque. Et ça, c'est dur. Et finalement, le confort, avoir sa tente, pouvoir faire son petit coin à soi, je trouve que c'est quelque chose de... Bon, peut-être aussi parce que je vieillis, je suis peut-être moins scout que dans le temps, peut-être, c'est peut-être ça aussi. Mais non, c'est important que chacun puisse avoir son endroit où s'isoler. Et ça, c'est fondamental. Et après, sur le terrain, je peux vous dire, je me suis arraché les cheveux pour essayer de faire des plans de terrain aux ouvriers parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était un angle droit. Vous imaginez pas ça ici. Or, en fait, ils cultivent sur des pentes qui sont à 40%, 35%. Et leur champ, c'est jamais un carré, c'est des trucs qui sont dans tous les sens. Donc, coupé. On a monté une exposition ensemble, on a fait un musée avec les gens locaux, on a coupé des bois. Combien de fois il faut recouper des tissus, recouper des bois pour que ce soit d'équerre? Mais une fois que ça a été fait, ça a été quelque chose qu'ils se sont appropriés et ils ont été tellement heureux de montrer ça aux enfants, à leurs femmes. Et ça fait. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est que quelque part, c'est par eux que ça s'est fait. Moi, je suis contre cette coopération. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Où on importe quelque chose et il n'y a pas le suivi. Or là, on a tout fait de A jusqu'à Z. Alors avec des moyens qui sont moindres parce qu'on est moins intéressant. Parce qu'on n'a pas ce truc clé en main qui arrive. Mais d'un autre côté, je sais qu'à n'importe quel moment, les choses pourraient être refaites localement avec des produits du bord et avec le goodwill des gens locaux. Inch'Allah. Et alors vous les impliquez dans la collecte aussi, recherche des fossiles. Et puis il y a aussi les soins à donner aux fossiles sur place, dégagement, recollage, identification, marquage, alors, mise en catalogue, moulage. On le fait ensemble effectivement. Et il y a surtout, je suis arrivée au moins sur le Kenya, mais en Ouganda c'était pareil. On a formé des ouvriers qui venaient des populations locales, qui ont été formés à Paris au muséum dans notre unité de recherche. Pour se former au dégagement, au recollement des fossiles. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai des ouvriers qui connaissent, d'abord parce qu'ils sont habitués, quand ils cultivent la terre, ils voient des choses. Ils savent reconnaître un cochon, d'un éléphant, d'un carnivore. Moi, j'ai des étudiants qui seraient plus capables de faire ça aujourd'hui. Ils sont tellement hyper spécialisés qu'on manque les généralismes. Et le généralisme, c'est une des voies d'accès au savoir. Et comment vous appréhendez le terrain? C'est-à-dire, comment vous le balisez avec votre équipe? Je balise pas, c'est qu'on repère, quand on arrive sur une coupe qu'on connaît bien, bon, on sait qu'il va falloir travailler tel endroit de la coupe pour telle raison, tel endroit de la coupe pour telle autre raison, et là chacun aura son travail. Ça nous est arrivé quand on travaillait en Ouganda avec Martin les premières années, on prenait une vallée, chacun prenait une partie de la vallée, elle écartait son côté de la vallée avec une période d'ouvriers, on avait les photos aériennes et on repérait sur les photos aériennes. Et après, ça, avec les petits outils, et avec, après, c'est vraiment manuel. C'est-à-dire qu'on vérifiait si on était d'accord de l'autre côté. Oui. Et ce qui était toujours, ce qui était bien, parce que le plus souvent on était d'accord, c'est très rare qu'on n'ait pas été d'accord, mais c'est surtout, ça impliquait les gens dans la manière de regarder, la manière de chercher. Et puis après, les consolidations de terrain, on les fait ensemble, enfin, tout est fait sur place. Quand on part du terrain, la majorité du matériel est consolidé, recollé, etc., sauf les pièces extrêmement fragiles qui nécessite un traitement spécial, mais tous les catalogues sont faits. Alors moi, je l'ai fait en français, dans mon cahier, à la main, et c'est Martin, après les met sur son ordinateur en anglais, et on les fait avec les gens, avec les jeunes locaux qu'on a formés, et finalement, il y a une vraie... rien n'est caché. Tout est disponible par tout le monde dans l'équipe. Et en tout cas, les outils nécessaires, c'est quoi? Des petites ruelles, des petites... c'est tout simple, tout basique. Marteau, oui, bien sûr. Maintenant, le GPS... Pas de nouvelle technologie, quoi. Non, le GPS, ça arrive, mais c'est vrai que quand je reprends mes cartes des années 80, ou mes vieilles photos aériennes, où c'était piqué avec les endroits, on retrouve très bien. Bon, maintenant, le GPS est devenu presque incontournable. Dans le désert, ça nous sert beaucoup, quand même. Dans le désert de Namib, ça a quand même un sacré intérêt. Mais non, on n'a pas de grosses techniques. Oui. Je sais qu'il y a des collègues qui utilisent des choses beaucoup plus techniques, mais je crois que pour le moment, avec les populations avec lesquelles on deal, si on veut vraiment les impliquer, il faut qu'on fasse des choses avec eux et que petit à petit, on aille vers des choses plus complexes. Alors quand vous êtes dans ces lieux-là, ou à Paris, hein, tout simplement, Brigitte Senu, votre univers littéraire, artistique, musical, qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Il y a des auteurs ou des chanteurs? Ah oui, alors pendant plusieurs années, j'ai emmené Frison Roche avec moi. Oui. J'adore Frison Roche, tous ses premiers... Mais c'est ton côté peut-être un peu romantique aussi, hein, la montagne, puis les histoires. Vous voulez l'entendre? On vous fait ce cadeau-là. Ah. Frison Roche, Radioscopie, 22 janvier 1970. Moi, partout où je vais, je recherche l'homme. Vous comprenez que ce soit dans le Grand Nord canadien ou au Sahara, c'est le contact avec des êtres humains qui me sont très différents, d'esprit, de civilisation et tout. Et je retrouve partout chez eux l'homme. L'homme au début, absolument extraordinaire. Et c'est ce qui me plaît. Je ne comprends pas qu'on puisse, entre hommes, sous des différences de couleur, de race ou de religion, se bagarrer. C'est quelque chose qui me semble impossible, cela. Même pendant la guerre, quand je faisais la guerre et tout, eh bien, je me disais, mais enfin, les hommes qui sont en face de moi sont des hommes comme moi. Pourquoi se battent-ils contre nous? Vous êtes très proche, hein, dans cette relation aussi humaine. Oui, et ça me fait penser à quelque chose. Et ce qu'il dit est tout à fait juste. Une des grandes joies de la mission, c'est qu'en fait, on vit souvent dans des conditions pas très faciles, mais on a une richesse de rencontres qui n'est pas égalée quand on est à Paris. Je veux dire, on rencontre des gens d'ethnies tellement différentes, de langages différents, de croyances différentes. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Je me souviens, en Ouganda, ça devait être en 90 ou 91, je ne sais plus. On bouclait le terrain et à chaque fois, quand on bouclait la mission, j'offrais la chèvre aux ouvriers et puis j'invitais le chairman local. Et il est arrivé, il a dit « Vous l'avez tué comment ?» Alors, affiche-toi, j'en sais rien, moi. Et il était musulman. Et il dit, bon, bah, tant que je ne suis pas sûr, je n'en mange pas. Donc, tous les collègues qui ont mangé la viande grillée, qui était délicieuse, et ce chairman, qui était adorable en plus, qui m'aidait tellement pour la mission, qui n'a mangé que du riz. Mais on a eu une discussion sur l'évolution de l'homme, l'histoire de l'homme sous les étoiles. C'est une chose que je n'oublierai jamais. J'ai encore sa tête dans ma tête, si je peux dire. Et c'était quelqu'un d'une grande sagesse. Et c'est ça qui manque au monde d'aujourd'hui. Beaucoup de sagesse et de respect. Et en matière musicale, alors la sagesse, vous la trouvez chez Mozart, Chopin et Geoffrey Auriemma. Geoffrey Auriemma, oui. Et là, c'est le deuxième cadeau. Geoffrey Auriemma. When I stretched out and closed my eyes, I found I couldn't relax. I stretched out further and took a deep breath, dizziness in my head. Out of sight, far away. As I walked away, I wondered where my mind was going. Hey. Geoffrey Auriemma. How long will it take? C'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture en compagnie de notre invitée d'honneur, la paléontologue Brigitte Senu, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste du Miocène et des grands singes africains. Et dans cette quête qui nous rassemble, de recherche des fossiles pour mieux comprendre le milieu, la vie des préhumains, nos ancêtres. Et toujours avec nous, Catherine Decopé, qui a préparé les interviews surprises pour mieux nous faire entrer dans l'univers, les univers de notre invitée, dont le dernier livre s'intitule, je cite, « Et le singe se mit debout » paru chez Albin Michel. Alors, bien sûr, il y a eu des choses, des découvertes. Brigitte Senu, vous ne nous dites pas tout. D'ailleurs, vous ne dites pas que vous avez failli être mangé par un lion en Ouganda, qu'on a voulu aussi vous vendre, vous acheter contre 2 chameaux, 50 vaches, 5 canards et 5 fagots de bois. Voilà. Oui, ça fait partie de la vie. Les aventures de terrain, comme ça. Mmh. Et puis, donc, cette autre aventure ô combien fameuse avec Aurorine, Catherine Decopé. Oui, alors pour introduire ce chapitre, on va donner la parole tout de suite à Yves Copin, ce qui était finalement un petit peu pour quelque chose dans cette découverte. Il va expliquer pourquoi. Et vous entendrez juste après Dominique Gomery, qui a vécu cette découverte à vos côtés, celle d'Aurorine. Ça, c'est une histoire qui a commencé avec Martin. Martin Pickford faisait sa thèse avec un patron anglais que j'ai bien connu, qui est mort très jeune, qui s'appelait Bishop. Et il faisait sa thèse dans le bassin du lac Baringo. Et il avait trouvé une dent, une seule dent, qui était une molaire supérieure, dans le site de Lukeino. Et ce site avait donc, autour de 6 millions d'années, on le savait déjà un peu. Et cette dent a été un peu prise en considération, puis abandonnée. Et je pense que quand Brigitte a dû me consulter, ou dans une conversation, elle me disait, on retourne au Kenya, où est-ce qu'on peut aller? Je lui ai dit, Lukeino. Et c'est là, donc, dans un certain nombre de sites, non seulement Lukeino, mais d'autres localités, qu'elle a recueilli Aurorine. Et là, je me rappelle très bien de ce coup de téléphone en me disant, c'est formidable, il faut absolument qu'on vous associe. Et elle m'avait d'ailleurs dit, ou bien on donne votre nom au fossile, ou bien vous signez avec nous. Et finalement, j'ai été co-signataire de Aurorine Tugonensis, qui aurait pu s'appeler Copensius, ou je ne sais pas, c'est pas quoi. Brigitte, elle a un petit peu une réputation de bouger, de changer, de faire bouger un peu, de secouer le cocotier, voilà. D'aller dans des terrains où personne n'a essayé de travailler. Et en cherchant, ben, on trouve. Et justement, c'est le cas de Brigitte. Qu'est-ce que ça fait pour vous, Dominique Gomery, qui êtes d'une génération plus jeune, de faire partie de cette mission qui a marqué finalement la paléontologie de ces dernières années? On a un peu du mal à réaliser des fois. On se dit, on rêve. Et puis non, on est bien sur la réalité parce que les choses sont là. Il y avait de l'excitation et puis à un moment donné, on essayait de se dire, non, ça ne doit pas être ça. C'est trop important, et donc voilà. Et puis quand on... À un moment donné, il faut... Tout aller dans le sens. Là, on s'est dit, aïe, oulala, ça va être dur. Parce qu'il va y avoir tout autour, la publicité, les collègues qui vont se dire, ah, ouais, pourquoi c'est pas nous? Et donc, c'est un peu difficile, là. Voilà. Brigitte Senu, alors, oui. Donc, il y avait eu la découverte de Lucie, 3,2 millions d'années, ah, donc ça c'était pas. En novembre 1974, voilà, c'était Yves Copins. Moi, j'ai juste étudié le matériel. Et là, c'était déjà une révolution, mais celle d'Aurorine provoqua un bouleversement, un cataclysme, parce que là, c'est quand même la divergence entre les grands singes et les hommes qui devait être antérieure à 6 millions d'années. On descendait très bas, et alors d'abord, c'est pas une découverte toute seule, c'était l'équipe. C'est ça qui est super sympa avec cette mission, c'est que tout le monde a trouvé son morceau, quoi. C'était génial, je veux dire, ça a été vraiment porté par une équipe. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont comme ça dans le monde, et ça c'est vraiment très chouette. Donc au Kenya, dans les collines tuguennes, sur invitation du gouvernement kényan en 2000. En 2000, ça, notre mission a commencé en 1998, oui. Et en 2000, donc dans une mission du Collège de France, on trouve cette. Alors d'abord, ça a été la mandibule. Alors c'était drôle parce que c'était Kip Talam Cheboy, le chef des ouvriers, qui a trouvé le premier morceau. Parce que nous, on venait d'Ouganda, puis malheureusement, j'ai perdu un roulement à billes, une roue. Enfin, c'était comme difficile d'aller dans les collines Tugan où il y a des dénivelés de près de 1500 à 2000 mètres. Ça fait mal pour les. Si on n'avait pas de frein, ça, pendant les plus de frein, plus de roue. Enfin bref, c'était pas possible. Mais Kitala avait déjà monté le camp puisqu'il savait qu'on arrivait à peu près. Dans, vous savez, en Afrique, on dit jamais j'arrive à telle heure, tel jour. Mmh. En général, c'est dans. Donc, comme il en avait ras-le-bol de rester à nous attendre, il est parti prospecter avec l'équipe et l'équipe locale. Et quand on arrive, je dis, va t'as trouvé quelque chose? Il me dit, oh non, non. Puis il me sort un petit sac de style boulanger, là, en papier marron, là. Oui. Et dedans, il me sort de ma chambre. Mais c'est du bonhomme. Et il me regarde, il dit, je sais. Et effectivement, et ça a été. Alors, on est tout de suite allé l'après-midi parce que l'heure du déjeuner, il faisait beaucoup trop chaud. Et Martin a trouvé le premier fémur. En descendant. Oui. Et le lendemain, on est retourné et on a trouvé des restes du fémur et puis j'ai trouvé le bout du mérus. Et puis en fouillant le mérus avec Dominique, on a trouvé le deuxième fémur que Dominique a trouvé et puis il a eu des dents qui ont été trouvées par les ouvriers après. Non, c'était vraiment une grande découverte. Et puis. Enfin, et d'ailleurs, il faut le dire, Brigitte Senu, d'autant plus grande que en allant chercher dans le Miocène supérieur, enfin, oui. vous aviez essuyé des rires quelque part parce que pour certains, que rires, c'était ridicule. Pour, c'était des crédits coupés. C'était ouais. des rires, c'est de dire mais on ne trouvera jamais. Ouais. Et c'était pas possible qu'on ne trouve pas parce que si même Lucie, enfin on avait à l'époque des hominidés de 4 millions d'années, donc c'était évident qu'il fallait le voir plus bas. Donc c'était une évidence. Or Baringo avait déjà livré un bout du mérus, si je dis pas de bêtises, ça va être en 76, dans des niveaux de 5 millions d'années. Donc il était évident qu'il y avait des choses. Donc on est arrivé là et on trouve ça et on dit mais on a eu des cauchemars et puis moi j'ai commencé à dire mon Dieu ça va être horrible, on va se prendre des plombs de tous les côtés. Ah ça n'a pas loupé. On met combien de temps juste pour l'annoncer? Là on n'a pas eu le temps de choisir. Ça m'a été beaucoup reproché d'ailleurs par des collègues français comme américains d'avoir annoncé la découverte sans l'avoir publiée. Lucie, la publication a eu lieu 4 ans après l'annonce. Il s'est passé la chose suivante, c'est que c'était trouvé sur les terres du président Daniel Arap Moi. Comme c'était sur la terre des Kalenjin, ça évidemment tout de suite, ça par le bouche téléphone, ça oui. s'est passé très vite. Oui. Donc il a été au courant. Donc il nous a fait rechercher par ses troupes, si je peux dire. Nous on était partis dans le Turkana entre temps, ce qui fait que c'était un peu compliqué. Ils nous ont rattrapés à, je crois, si je ne dis pas de bêtises, du côté d'Eldoret, quelque chose comme ça. Et là ils nous ont demandé de rentrer tout de suite à Nairobi. Et là, on a attendu le président toute une soirée. Et puis, le lendemain matin, aux aurores, on nous a dit, non, faut aller à Nakuru, il vous attend à Nakuru. Donc, on a refait le trajet de nuit, on l'a pris le soir, de nuit à Nakuru, et on a rencontré le président le lendemain. Et il a dit, faut organiser quelque chose. Et quand un président d'un pays, quel qu'il soit, vous dit, faut organiser ça, vous dites pas non, monsieur, parce que mon collègue va pas être content. Voilà. Et alors, aujourd'hui, finalement, vous pouvez nous dire à quoi ressemblait Aurorine de par l'étude de ce que alors, vous avez trouvé? On en sait un peu plus parce qu'on a trouvé d'autres matériels depuis. Et donc on sait d'abord qu'il a une face assez courte, parce qu'on a trouvé la symphyse mandibulaire, la partie avant de l'avant. Au départ, on avait les deux côtés, pas complet, mais bon, il y en a en plus le devant. Donc une face assez courte, pas de trou pour loger les canines. Mais ça, je veux dire, ce sont des caractères que certains et d'aucuns disent que ce sont des caractères dominidés. Pour moi, ce sont des caractères qu'on trouve aussi chez des femelles de grands singes, donc ce ne sont pas des caractères spécifiques. On a des dents, on a une très belle rangée dentaire supérieure qui nous montre qu'il y avait un retard de croissance, comme chez les australopithèques. C'est pas du tout du singe. On a également une phalange du pouce qui montre qu'il y avait une saisie de précision pour grimper aux arbres, puisqu'on sait qu'il grimpait aux arbres avec une autre phalange qui est incurvée, très clairement. Donc, grimpeur aux arbres, on a un humérus qui montre ça. Et puis, les fémurs qui montrent cette bipédie. Alors, cette bipédie, à 6 millions d'années, elle a été très discutée. Et là, pour la petite anecdote, on a un collègue américain qui a donné une interview à Science quand nous avons publié cela, et il a dit « I swear this is a chimpanzee ». Je jure que c'est du chimpanzé. Et 2 ou 3 ans après, il fait un papier sur l'origine de la bipédie, et les plus anciennes bipédies, il cite Aurorine, mais là, il ne fait pas de conférence de presse. Et alors, le secret du nom d'Aurorine, qui a décidé? Alors, c'est l'équipe en association avec les gens locaux. Parce que dans les collines Tugen, il y a des légendes qui font référence à l'homme originel. Et il y a des danses, il y a des chants, et par respect pour ces gens, et puis après avoir beaucoup discuté avec eux, on a décidé de l'appeler Aurorine, juste par marque d'affection et de respect. Le respect, en tout cas, être femme de caractère aussi, hein, Brigitte Senu, pour affronter tout ça, on a bien compris qu'il fallait l'être pour évoluer dans ce monde. Et c'est la troisième personne interviewée par Catherine de Copé qui va nous révéler des choses. Hein, oui, Catherine. Car Brigitte Senu, il y en a une troisième, mais ne vous inquiétez pas, on va juste tirer un petit peu le fil de l'amitié pour arriver jusqu'à l'une de vos fidèles amies, Martine Leroux, qui vous connaît depuis longtemps et qui suit votre avancée avec beaucoup d'enthousiasme. Vous vous êtes rencontrés en fac de géologie et vous apparteniez à l'époque à un même groupe de copains, si j'ai bien compris. Et depuis, vous vous êtes revus régulièrement au fil du temps. Martine Leroux, elle n'a pas fait de carrière dans la recherche, mais elle témoigne de ce que vous avez pu traverser pour vous imposer dans ce milieu. On va l'écouter. C'est vrai que Brigitte était exemplaire, était la seule femme entourée d'un monde masculin. Et il a fallu qu'elle fasse encore plus de preuves, comme dans tous les métiers, dans tous les milieux. Quand on est une femme, il faut être encore meilleure que l'environnement masculin pour se faire remarquer. Elle a été reconnue très rapidement parce que c'est une personne très, très travailleuse et intègre. Et de ce fait-là, je pense que ses pairs ont pu reconnaître la valeur de cette personne-là qui n'était pas... qui travaillait vraiment pour la science. Elle n'a pas travaillé pour elle. Elle avait vraiment un idéal de science. Hein. Ce n'était pas une carriériste, Brigitte. Elle avait un but, c'était de faire avancer ses découvertes. France Culture. La marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est ça la force, Brigitte Senu. C'est déjà, un, être affiliée à aucune école, deux, travailler pour la science. Oui, je pense qu'une chose qu'on oublie beaucoup aujourd'hui, où on parle beaucoup de lobbying, c'est que le scientifique doit être complètement imperméable à toutes les pressions. Et ça, c'est grave, parce qu'on le perd de plus en plus. Je vais prendre un petit exemple. J'ai fait un dossier à l'Europe là, qui n'a pas marché, mais j'étais bien classée, donc ça marchera peut-être. Mmh. Mais il y a quand même deux rapporteurs qui m'ont reproché sur les sept, quand même, deux ou trois, de ne pas avoir créé d'école. C'est grave, ça. On n'est pas là pour créer une école, un groupe de pression. On est là pour ouvrir la science. Et moi, si je suis contente d'avoir eu Dominique ou Loïc ou d'autres comme étudiants, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pris le relais et ils ont élargi des champs d'activité, des champs de recherche. Faire la même chose pendant 50 ans, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut être indépendant, indépendant dans ses idées. Et surtout, bah, ne pas avoir peur des retours de bâton, ce qui malheureusement arrive de temps en temps. Et puis militer pour une diversité des interprétations, oui, pour leur confrontation, c'est absolument. Aussi ça dans ce monde où effectivement, c'est pas parce qu'on fait une découverte un jour que le lendemain elle ne peut pas être bouleversé. Oui, mais en plus, je pense qu'il y a une chose que les gens oublient trop souvent, mais c'est parce qu'il y a ce lobbying international maintenant, c'est que la culture, c'est quelque chose qui est importante, et la culture scientifique aussi. Et je n'arrête pas de dire à mes étudiants que j'aurais été formée au Japon, et je travaille avec une équipe japonaise, on a travaillé pendant très longtemps ensemble, et on continue d'ailleurs. J'aurais été élevée en Chine, en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en France, enfin bien sûr en France. On n'aurait pas les mêmes clés. Et on aurait forcément une culture différente scientifique. Et c'est pour ça que je trouve ça passionnant d'avoir des débats scientifiques avec des gens d'horizons différents, parce que finalement, ça donne une richesse au débat qu'on en est en train de perdre drastiquement dans la recherche actuellement dans ce domaine, parce qu'il y a des microcosmes qui se sont créés de gens qui estiment qu'ils ont une vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a des milliers de vérités. Et dans ce microcosme, donc vous faites un peu la différence, Brigitte Senu, on peut le dire, et vous êtes un passeur de savoir aussi. Dernier document sonore, donc Catherine de Copé. Oui, mais on redonne la parole à Yves Copin assez rapidement pour nous parler de cet aspect de votre personnalité. C'est important, en effet, de faire en sorte que les gens s'approprient leur propre richesse, dont ils n'ont pas été, bien sûr, forcément conscients, et qu'on vient leur découvrir sous le nez. Donc c'est bien de leur expliquer de quoi il s'agit, et puis de les associer d'une manière ou d'une autre à l'explication de ce que ces restes représentent et de ce que ça peut signifier pour eux, pour le pays, pour... La notoriété du pays et l'intérêt de leur propre terre. Il y a Il faut préciser que les chants que l'on entend, Catherine... Oui, alors merci à Dominique Gomery qui m'avait donné les sons avant vous, Brigitte Senu, concernant finalement ces populations Tougaines qui chantent sur Aurorine. Oui, c'est la chanson d'Aurorine, ça, effectivement. Elles ont intégré l'ancêtre dans leur chant actuel. Il y avait déjà des chansons qui existaient, mais c'est vrai que ça redonnait le goût au passage de témoins vers les jeunes, oui. Alors donc dans cette reconnaissance qui est la vôtre aussi de ce besoin d'être un passeur de savoir, vous avez été élue Brigitte Senu femme scientifique de l'année en 2008. Donc vous vous tournez vers les jeunes générations, qu'elles soient celles ici en France, mais aussi celles sur le terrain. Vous êtes porteuse de savoir et de messages quand même. Oui, moi je pense que la science elle est ouverte à tout le monde. C'est fondamental. Et elle est ouverte aux femmes. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a une sorte de désamour entre les... mais pas seulement les femmes, là, pour les jeunes, vers la science, mais les femmes particulièrement. Et moi, je dis toujours aux étudiants, quand ils viennent me voir, je dis, écoutez, si vous vous accrochez, si vous avez foi en vous, ne négociez jamais votre foi, elle est ce qu'elle est, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Si vous n'y croyez pas assez fortement, abandonner, c'est pas la peine. Et certains renoncent ? À certains renoncent, oui. Moi, j'ai une étudiante qui a renoncé parce qu'elle trouvait que j'avais une vie trop difficile. Les grands mâles dominants américains ou autres qui faisaient comme des reportages dans la presse pas très élégants. Enfin bon, c'était... Elle me disait non, j'arriverai pas et elle a abandonné. Pas très élégant dans le sens où il s'emparait de vos propres conclusions pour les, non, pour non, les rendre leurs. Non, c'est qu'il faisait des remarques du style si j'étais pas d'accord, c'est que j'étais nulle, c'est que j'étais jalouse. Enfin, ce genre de choses qui relève vraiment pour moi de la classe maternelle. Hein, la cour de récréation. Mais c'est la réalité ce monde de paléontologues. Mais ça, le monde des paléontologues, c'est le monde de la recherche et c'est un microcosme dans le monde actuel. Donc on a des bons, des méchants, des gentils. Des mangeurs d'hommes. Des mangeurs d'hommes, moi j'allais dire, mais ouais, c'est pas du tout. On a de tout, donc forcément, on n'est pas privilégié. Mais moi je trouve que quand on est scientifique, on est aussi porteur, je vous dis, d'un respect et d'ouverture de la science. Qu'on doit conserver. Et ça, c'est de la vraie déontologie pour l'avenir, parce que si on perd ça, ben finalement, il y aura plus de science. Et ce que vous dites aux plus jeunes aussi, aux jeunes générations, c'est faites ce qui vous plaît, apprenez à observer la nature. Oui. En tout cas, j'ai relevé dans votre livre, Brigitte Senu, vous écrivez « Les rêves d'adolescents sont les plus puissants et les plus intenses, mais un des problèmes fondamentaux de nos sociétés modernes est que le rêve y est, pour ainsi dire, proscrit. » Oui, il y a de moins en moins de rêves, je trouve. Alors peut-être ai-je tort, mais moi je le sens comme ça. Je trouve que les gens sont en permanence dans des machines pour communiquer. On n'a jamais aussi mal communiqué alors qu'on a plein de machines pour communiquer. Et je trouve que le rêve d'enfance, c'est qui doit porter sa vie. Et ce que je dis aux étudiants, je dis, est-ce que j'aurai du boulot ? Je dis, mais dans 10 ans, dans 15 ans, moi je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire. Mais faites quelque chose qui vous plaise. Parce que n'importe quoi que vous fassiez par la suite, vous aurez toujours votre jardin secret. Et ce jardin secret fait qu'on arrive à rester des êtres plus ou moins équilibrés, j'allais dire, dans un environnement qui devient un monde de plus en plus de brutes, je dois dire. Mais ceci étant, c'est pour ça qu'on participe à beaucoup de choses, comme des expositions, pour essayer de créer aussi ce rêve, comme l'exposition Grand Singe là, du muséum là, qui va ouvrir. C'est pour aussi créer le rêve auprès des jeunes et l'attrait des jeunes. C'est fondamental pour nous. Et alors, est-ce que vous avez des regrets, un regret, des rêves encore ? Oh, les rêves, j'en ai plein. J'en ai plein, mais c'est la géopolitique qui m'arrête là, c'est autre chose. Malheureusement, on est dans le monde actuel, on est un peu limité par plein de choses. Non, un rêve, moi, si j'avais pas fait de paléontologie, j'aurais travaillé dans les étoiles. Je trouve que l'exobiologie, c'est quelque chose que je trouve fantastique. J'avais un peu suivi les travaux d'André Braque à une époque, et vraiment, ça, je trouve que c'est l'ouverture d'esprit maximum. C'est ne pas rester confiné sur nous-mêmes, sur notre petit nombril. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses à découvrir de par le monde, sur Terre, comme ailleurs. Et ça, je crois que, malheureusement, si j'avais pu aller sur Mars, je serais bien allée sur Mars, mais je crois qu'il y aura prescription. Alors, voilà. Allez, pour finir cette émission, Brigitte Senu, un des intervenants d'aujourd'hui vous pose une question. Brigitte, je me suis toujours posé une question, parce que vous connaissant, toujours active et toujours passionnée, quand vous allez prendre votre retraite, qu'est-ce que vous allez faire? Et ça, vraiment, ça m'interroge. Ça veut dire qu'il cherche un poste. Il veut déjà me pousser vers la sortie. Je ne sais pas, demander à Dominique Gomery. Je le vois ce soir, ça tombe bien. Non, je pense que la retraite de l'esprit, non. Si l'esprit marche, si la tête marche, ça n'empêchera pas de penser. Je crois que c'est notre liberté d'être humain, de pouvoir penser, de pouvoir. Donc ça, je crois, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La retraite administrative, ça serviendra comme un couperet à un moment, malheureusement, qui vient de plus en plus vite et qui est trop proche. Mais je pense que je continuerai à continuer à faire ce qui me plaît. Je crois que c'est ça, être un peu exotique pour certaines personnes, mais chacun bâtit sa vie. Et puis dénicher encore, pourquoi pas. Je signale qu'en 2011, vous avez trouvé le crâne fossile d'un grand singe vieux de 20 millions d'années en Ouganda, dans de la lave du volcan Napak, au nord-est de l'Ouganda. Voilà, il y a encore plein de choses à oui, dénicher. Et il sera une exposition, justement, l'exposition Grand Singe. On a mis la première reconstitution, là, pour si les gens veulent voir ce qu'était ce vieux machin. Allez, un dernier cadeau dans l'émission. Vous avez un film culte, Brigitte Senu, c'est lequel? Out of Africa. Un peu de musique? Ah oui. Ah, du Mozart. Ah, vous croyez? Vous allez peut-être. Voir. Peut-être. C'est parti. Ah oui, mais oui, parce que c'est toute une histoire ce film en fait, parce qu'il a été filmé sur des endroits, où je suis allée avec mon compagnon quand on s'est rencontrés. Donc c'est non seulement un film que je trouve extraordinaire, parce que je connais bien les travaux, les romans de Karen Buxen, mais en plus, c'est personnellement, c'est des choses que j'ai pu m'approprier. C'est voilà. Puis Robert Redford, ça, c'est quand même une bonne valeur, une valeur sûre. Eh bien, merci Brigitte Senu d'avoir participé à ce grand portrait de la marche des sciences. Je cite votre livre « Et le singe se mit debout » paru chez Albin Michel, et puis aussi le DVD « Brigitte Senu, la dame aux fossiles » de Philippe Heim, coproduction Adalios et Galactica dans la collection « À contre-temps ». Merci. Et c'est la fin de la marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, bien sûr, qui me suit aussi. Catherine Donnet, Catherine Decopé, Céline Duchesne, Anaïs Morales et Sophie Gilry-Delina. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique, aujourd'hui, Pierrick Monsigny. La semaine prochaine, rencontre avec celui qui a été honoré de la grande médaille de l'Académie des sciences en octobre 2014, un génie de la physique quantique, Joël Leibovitch, dont l'enfance fut marquée par la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, cette tragédie a bouleversé ma vie, c'est à tel point qu'il est difficile d'imaginer ce qu'aurait été ma vie s'il n'y avait pas eu cette expérience d'Auschwitz. Je ne serais vraisemblablement pas devenu un chercheur. Là où je suis né, il n'y avait pas de scientifique, je n'avais pas de modèle vers qui me tourner. La communauté dans laquelle j'ai grandi était très croyante. C'était une société qui était très tournée vers l'étude de la Torah et le Talmud, donc des judaïques, et puis surtout la préoccupation au quotidien, c'était la survie. Voilà, c'est ainsi que l'on dépensait notre énergie et ce à quoi on consacrait notre temps. Donc les préoccupations n'étaient surtout pas scientifiques, en fait. Mon père était commerçant. Pendant ma jeunesse, évidemment, j'ai appris les tables de multiplication. Et alors, quand vous avez été, vous, Joël Leibovitch, et votre famille déportée, c'était quand? Vous aviez quel âge à l'époque? 14. J'avais 14 ans. Et toute votre famille était avec vous? Toute la famille. Tous les juifs du village ont été déportés en même temps. Vous êtes arrivé à Auschwitz à quel moment? May of 1944. C'était en mai 1944. I believe it's May 26th. Je pense que c'était le 26 mai, mais je n'en suis plus certain. Et la fin du calvaire, Joël Leibowitz? Also about end of April, beginning of May. À la fin avril, début mai 45. Joël Leibowitz, l'âme de la physique quantique, c'est votre rendez-vous de samedi prochain. Mais dans un instant, autre rendez-vous à ne pas manquer, Nazawiyat de Charlotte bien-aimée. Bonne continuation sur nos antennes et surtout, suivez vos rêves.